franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire, aujourd'hui, la belle Corisande. Au XVIe siècle, dans une France déchirée par les guerres de religion, un homme et une femme s'aiment. Elle est catholique, lui protestant. Il s'appelle Henri de Navarre, le futur roi Henri IV. Elle, c'est Diane d'Andouin, comtesse de Guiche. Mais elle préfère le prénom qu'elle s'est elle-même donné, Corisande, tout droit sorti d'un roman de chevalerie. Quand on dit XVIe siècle, on pense Renaissance, Château de la Loire, poésie de Ronsard ou de Rabelais. Mais à partir de 1540, cette face lumineuse va être ensanglantée par une longue série de batailles et de massacres. Catholiques et huguenots, les deux camps semblent irréconciliables. Et comme dans toute guerre civile, rares sont ceux qui, face à la haine et au fanatisme, prônent la réconciliation. Corisande et Henri de Navarre seront de cela, une femme et un homme à égalité. Égalité, ou presque. Le XVIe siècle fut une période, on l'oublie, de grande liberté pour les femmes. Les dames de la noblesse lisent, écrivent, prennent la parole et même le pouvoir, donnent leur avis, gèrent les domaines, élèvent des armées. Elles s'appellent Catherine de Médicis, Marguerite de Valois ou encore notre héroïne de ce soir, la belle Corisande. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Bonsoir Eliane Viennot. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure à l'Université de Saint-Étienne, spécialiste de la Renaissance et de l'histoire des femmes. Alors dans quelques minutes, je vais raconter l'histoire de Corisande et d'Henri de Navarre, une histoire à la fois d'amour et de complicité politique. Elle commence en 1587, en pleine guerre de religion. Corisande et Henri sont amants depuis 5 ans. Pouvez-vous nous rappeler où en est le royaume de France à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est que ces guerres de religion? Alors, on est dans un royaume qui traverse des troubles civils et religieux, comme on dit à l'époque, on ne parle pas tellement de guerre, depuis 1560 à peu près, c'est-à-dire au moment où le parti protestant a décidé de se militariser, de passer à l'attaque, hein, si on peut dire, c'est-à-dire pas seulement de permettre que la religion protestante progresse petit à petit, mais véritablement, en raison des troubles politiques, en raison du fait que Henri II est mort accidentellement, que son fils François II est venu au pouvoir alors qu'il était malade, que son épouse était une Guise, Marie Stuart, elle est au fond encadrée par la famille de Guise qui sont les catholiques convaincus. Donc les tensions ont été très grandes et à la mort de François II, qui n'a pas du tout régné longtemps, quelques mois, il y a une période de régence qui s'ouvre puisque Catherine de Médicis a plusieurs fils, mais le plus âgé n'a que 10 ans. Donc on est entré en 60 dans une période de régence et puis une période troublée parce qu'il y a cette guerre, ces guerres entre catholiques et huguenots, parce que les puissances catholiques du Sud financent la guerre civile en France alors que les puissances européennes protestantes du Nord financent le côté protestant, si vous voulez. Donc c'est très très long. Alors il y a différentes guerres, il y a 8 guerres, les historiens répertorient 8 guerres en bonne et due forme, si je puis dire, entre lesquelles il y a des massacres. Et puis la dernière guerre, celle dont on parle, celle qui est en 87, c'est pas seulement des troubles civils et religieux, on est rentré dans une guerre de succession, puisque il y a un roi, il y a Henri III qui est au pouvoir, mais il n'a pas d'enfant, il est marié depuis 10 ans, il n'a pas d'enfant, et son petit frère, son jeune frère, le dernier fils de Catherine de Médicis et d'Henri II, est mort en 84. Donc on sait en France qu'il y a un problème de succession. Vraisemblablement, le roi de France n'aura pas d'enfant et on ne veut pas que celui qui devrait normalement monter sur le trône, à savoir le futur Henri IV, Henri de Navarre, soit celui-là parce qu'il est protestant. Est-ce que les protestants, donc au XVIe siècle, représentent une véritable menace pour le catholicisme français? On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Le protestantisme est quand même assez limité aujourd'hui, mais à cette époque-là, ils sont nombreux? Alors, on pense qu'ils ont été jusqu'à à peu près un quart de la population. Mais ce qui est en jeu en réalité, c'est il y a eu dans les années 50 en Europe une sorte de Davos de l'époque. Les grandes puissances se sont retrouvées et ont mis sur pied une sorte de théorie politique comme quoi les peuples doivent suivre la religion de leur roi. Pour eux, c'était une bonne idée, c'était évidemment une très très mauvaise idée en réalité, parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, pour les catholiques ou pour les protestants, l'important c'est de prendre la tête, de convaincre le roi. Si le roi est protestant, tout le monde doit être protestant. Si le roi reste catholique, tout le monde doit être catholique. Et Henri de Navarre, il souhaite que tous les Français soient protestants ? Alors, Henri de Navarre n'est pas un homme très convaincu du point de vue religieux. La couronne non plus n'est pas très convaincue. Ces gens-là sont pas spécialement des acharnés, soit du catholicisme, soit du protestantisme. C'est un chef de guerre avant tout. Mais ils se retrouvent par la force des choses, parce que le pays lui-même est en conflit, ils se retrouvent chef de parti. Lui, il est le chef du parti protestant. Alors, il se trouve que, je crois qu'il a changé 6 fois de religion. Oui, c'est pas un grand convaincu. C'est pas un grand convaincu en fonction, parfois, on l'a obligé à changer de religion. Puis, à la fin, il a fini par redevenir catholique. Bon, voilà, ils sont obligés d'être chef catholique ou chef protestant, bien qu'ils ne soient pas tous très, très convaincus. Et ce soir, donc, nous allons parler de sa relation avec Corisande, mais il y aurait de quoi faire tout un feuilleton avec, si on évoquait toutes les maîtresses d'Henri de Navarre. Ah oui, il y en a beaucoup, oui. C'est un sacré trousseur de jupons, comme on disait à l'époque. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compté, il y en a qui ont compté. Voilà, et puis il a eu des enfants avec certaines, pas avec d'autres. Enfin, oui, il y aurait plusieurs épisodes à faire. Corisande, quelle place elle occupe dans cette longue liste ? Alors, Corisande occupe une place tout à fait particulière parce que c'est certainement la seule femme de tête. La seule femme qui compte, la seule femme forte, comme on disait à l'époque, qui ait été dans ses amours. Hein. En général, les amours d'Henri IV sont des femmes qui ne comptaient pas trop, qui comptaient sexuellement pour lui, qu'il aimait certainement, surtout quand elles lui ont fait des enfants, c'était un très bon père. Mais enfin, ce sont presque toujours des femmes qui n'ont pas de poids face à lui. Alors que Corisande, oui. Corisande, c'est un nom qu'elle s'invente elle-même, elle s'invente sa vie un peu cette femme, elle est, on va le voir, issue de la noblesse du Béarn, elle a été mariée très jeune, à 14 ans, veuve aussi très jeune puisque son mari est mort à la guerre du côté catholique, elle va s'inventer sa propre vie. Quelle est l'influence de cette littérature, des romans de chevalerie ? Ça peut sembler un petit peu désuet comme ça, de prendre un nom de roman. Oui, et puis on ne se rend pas compte parce qu'on n'étudie pas du tout ça, ni à l'école, ni à l'université. C'est une littérature qui n'est pas étudiée. On étudie Rabelais, on étudie Montaigne, c'est-à-dire des choses sérieuses. Mais on ne se rend pas compte à quel point les romans de chevalerie... Alors, Corisande vient d'un très grand roman, peut-être le plus grand best-seller du temps, hein, Amadis de Gaulle, toute la noblesse adorait ça. C'est un peu comme l'Astrée après, si vous voulez. Il y a vraiment une très longue, une temps très des longue. Précieuses. Voilà, voilà. Les gens adoraient ça, et c'est une sorte de littérature de rêve, hein, d'évasion. Et c'est pourquoi il faisait aussi des tournois. Et, enfin, on est dans une période où l'aristocratie se complaît, hein, et aime cette littérature qui est aussi une littérature à la fois de guerre où il y a des héros guerriers et une littérature d'amour. C'est le Dallas de l'époque, si vous voulez. Mais en même temps, c'est peut-être l'invention d'un certain code aussi de séduction entre les hommes et les femmes. L'idée que les femmes ont leur importance, qu'il y a une espèce de courtoisie dans la relation amoureuse. C'est une littérature qui porte les valeurs de la courtoisie, de l'ancienne courtoisie. Et c'est pour ça ces romans de chevalerie, on les appelle comme cela. Mais c'est véritablement la veine courtoise et chevaleresque qui s'est maintenue au fil des siècles. On imagine toujours que la littérature courtoise, c'est 12e, 13e siècle, ça va pas plus loin, pas du tout, ça continue, on réécrit les mêmes histoires, on fait des suites, un peu comme les films d'aujourd'hui, hein, les films où les fils de tel héros, c'est une littérature de l'aristocratie. Alors le 16e siècle est une période d'émancipation politique pour les femmes, du moins celle de la noblesse. Nous y reviendrons tout à l'heure, c'est un sujet que vous connaissez bien, Eliane Viennot. Dans une trentaine de minutes, donc, nous reprendrons cette discussion avec vous, Eliane Viennot, tout de suite. La belle Corisande, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. La réalisation est signée Cédric Aussire. 4 heures déjà. Dans une heure, c'est la nuit. Il ne viendra plus. Je tremble. C'est ce vent des Pyrénées qui glace les eaux en pénétrant dans la tour. Ou serait-ce l'incertitude sur l'issue de la bataille ? Henri est si hardi, sans peur de la mort. A-t-il été vainqueur, comme on me le dit ? Ici même, je le vis pour la première fois. Henri arrivé de La Rochelle, malade d'une forte fièvre, pour se reposer chez sa sœur, mon amie. En quelques jours, il fut sur pied et descendit au jardin. J'avais une robe de velours rouge à l'espagnole. Le long des bosquets d'orangers, il ne me quittait pas des yeux. Mon cher frère, approche. Voici Corisande d'Andouin. Tu te souviens d'elle ? Oui, nous nous connaissions, enfants. Mais n'aviez-vous pas pour prénom Diane ? J'en ai changé, ai-je répondu. Il était soudain devenu rêveur. Corisande. Oui, c'est le nom d'une princesse dans ce roman de chevalerie que j'aime tant. Amadis de Gaulle. Je me trompe ? J'en rougis de plaisir. Amadis, le chevalier vertueux, l'amant délicat, Henri l'appréciait aussi. Je l'aimais déjà. Inlassable paillard et trousseur de cotillon, ce chef de guerre me revenait tout sang et poudre pour de rares et fiévreuses heures d'amour. Mais jusque-là, ce n'était qu'escarmouche, ça et là. Cette fois, il a pris la tête de 7000 protestants pour sa première bataille rangée. S'il est vainqueur, ce sera sa première victoire militaire sur les catholiques. Elle prouvera au roi de France toute sa valeur. Oh, mon chevalier, qu'est-il arrivé ? Pau, le 5 novembre 1587. Corisande d'Andouin attend Henri, le roi de Navarre. Corisande est née dans l'une des plus grandes familles catholiques de Gascogne et de Béarn. À 12 ans, elle fut mariée à Philibert de Guiche, qui mourut en combattant dans les rangs catholiques. Veuve à 26 ans, mère de 2 enfants, Corisande se rapprocha alors de son amie d'enfance, la princesse Catherine. Elle fit très vite la connaissance de son frère, Henri, le roi du petit royaume de Navarre. Il vivait séparé de sa femme, la reine Margot. Corisande est belle, grande, intelligente et lettrée. Montaigne est de ses amis. Ses beaux yeux pères et son sens politique aussi n'ont pas tardé à séduire Henri de Navarre. Elle est catholique, il est protestant. Le 20 octobre 1587, Henri vient d'affronter les troupes catholiques à Coutras. L'issue de la bataille est incertaine. 10 jours après la bataille, Corisande et Catherine n'ont toujours aucune nouvelle d'Henri. Corisande ? Corisande ? Ah, Corisande, il faut rentrer. Cette tour est glaciale. Mon cœur n'est que souci et douleur. Chère Catherine. On ne viendra plus ce soir. Descends. J'ai quelque chose à te dire. Je l'imagine dans la bataille. Face au canon ennemi, j'entends les épées qui ferraillent, le hurlement des hommes désarçonnés, les chevaux qui hennissent et se cabrent parmi les blessés gémissants. Je ne veux en douter. Henri est sorti vainqueur de la bataille à Coutras. Mais, au Corisande, le bruit court qu'il a trouvé la mort. Seigneur, qui parle ainsi ? Pourtant, on dit que le duc de Joyeuse, le chef des troupes catholiques, qu'il a péri ? Oui, on le dit aussi. Et où est la vérité ? On m'a rapporté que dans les églises, les prêcheurs catholiques se réjouissent déjà de la mort d'Henri et disent que c'est signe de l'approbation divine. Mais il est vivant. Je veux y croire. Mon frère est vivant et victorieux. Que d'angoisse nouvelle. Cela fait 30 ans que le royaume de France est affaibli par les guerres de religion. Henri de Navarre est protestant. Il est né au château de Pau d'une mère protestante, Jeanne d'Albret, et d'un père, prince de sang, qui le fait baptiser catholique. Élevé aux côtés de sa sœur Catherine, chassant avec les petits paysans, il a reçu une éducation protestante. En 1584, le roi de France, qui n'a ni frère ni enfant, a désigné Henri comme héritier du trône. Henri est de sang royal par son père. Il est donc légitime, mais il est protestant. Pour les princes catholiques, laisser la couronne de France à un protestant serait une hérésie. Organisés au sein de la Ligue catholique, ils sont prêts à tout pour l'évincer. Le roi de France a cherché la conciliation au début, puis il a fini par faire volte-face et les rallier. Il s'engagea à bouter les protestants hors du royaume. La France alors fut coupée en deux. Henri déchu de ses droits à la couronne. C'est ainsi qu'en 1585, la guerre entre les protestants et les catholiques a repris, et les amours de Corisande et d'Henri, la belle catholique et le protestant, furent emportés dans la tourmente. Lui, défendant les places fortes protestantes dans toute la Navarre, chevauchant nuit et jour, elle, attendant Henri dans son château d'Ajetmo, pour lui donner quelques renseignements militaires recueillis çà et là, et l'aimer une courte nuit avant qu'il ne s'en retourne à bride abattue. C'étaient les premières années de leur amour. Ils s'écrivaient presque chaque jour. Mont-de-Marsan, 7 décembre 1585, 10 heures du soir. Il pensait que j'allais vous voir. Au moulin de Montgaillard, 50 arquebusiers prirent mon laquais et le retinrent. Ne craignez rien, mon âme. Je vous irai voir et passerai sur les ailes de l'amour, loin de ces misérables terriens. Ajetmo, janvier 1586. Si vous m'aimez, différez ce voyage. Ne venez point encore. Je vous écris à la hâte pour vous avertir. Conservez votre vie plus que vous ne l'avez jamais fait. La Rochelle, 17 juin 1586. Hier soir, j'ai fait halte sur une île au cœur du marais Poitevin. Un paradis, enchanté par toutes sortes d'oiseaux, vous l'auriez tant aimé. Je te baise, mon cœur, 1 million de fois les mains. À cette époque, il me disait que son vœu le plus cher était d'épargner le sang. Il répugnait à cette monstrueuse guerre, comme l'appelle Monsieur de Montaigne. Mais il faut faire la guerre pour avoir la paix. Montaigne, mon cher ami, m'en a convaincu. Il dit qu'Henri a des arguments de droit, mais si fort soit-il, il ne peut en tirer justice. Seules les victoires militaires forceront ceux qui s'y opposent à l'accepter comme roi. À l'heure qu'il est, à Coutras, je sais qu'Henri fait la guerre malgré lui. Mais s'il est vainqueur, il aura fait avancer la paix. Tu soupires, Corisande. Tu souris à présent. Oui, Catherine. Au tendre souvenir des lettres de ton frère. Il est si rieur. Tu te souviens quand il dansait avec les filles d'honneur? Quand reviendront-elles, ces joies légères? Folle guerre. Je suis protestante et tu es catholique. Rien ne nous sépare. Nous aimons rire, chasser dans les bois, jouer du luth. Nous ne nous quittons que pour prier. Ce sont les fanatiques qui attisent la haine. Seigneur, que de cruelles appréhensions. Je me suis séparé de ma troupe et j'ai pris à franc étrier la direction de Pau. Henri, mon frère, tu es vivant. Protégé par la grâce spéciale de Dieu, chère sœur. Le duc de Joyeuse est mort. Maintenant, tout est différent. Et vous, mon âme? Vous êtes plein de poussière et de boue. Henri, où étais-tu? Voilà des jours qu'on te cherche. Chez Michel de Montaigne. Après cette victoire, il était bon de l'écouter et boire son vin. Il vous nomme affectueusement la grande Corisande. Et vous transmet ses pensées amicales. Il affirme que vous êtes mon meilleur conseiller politique. Que dit-il, ce grand ami, ce cher esprit? Il se réjouit de ma victoire, sans oser le dire ouvertement, car il veut rester loyal envers le roi de France. Il dit que la défaite de Joyeuse a un grand retentissement et me permet de prendre l'initiative. Il est disposé à se charger d'une ambassade auprès du roi pour négocier la paix. Doit-il bientôt le voir? Il va à Paris porter le manuscrit de la 5e édition de ses essais. Il parlera au roi pour moi. Victorieux, je le savais. Tu te bats bel et bien. Coutras, quelle bataille. La plus furieuse escarmouche que j'ai jamais vue. Les ligueurs catholiques, bien nourris, tout scintillant d'or et d'acier. Et nous, en face, qui n'étions que fatigue. Dieu merci, la victoire était au bout. J'ai suivi vos conseils, chère Corisande. Je n'ai laissé à quiconque la gloire d'attaquer le premier à ma place. N'oubliez rien qui puisse servir votre grandeur. Que comptes-tu faire avec ces drapeaux dont tu es tout chargé? 22 enseignes de la Ligue catholique, ramassées sur le champ de bataille. Chère Corisande, permettez-moi de vous en faire l'hommage. À moi? Ces drapeaux de soie tout éclaboussés de sang? Offrir les étendards de la victoire protestante à une catholique? Que vont dire les capitaines huguenots? Que tu es en son cœur et lui donne l'ardeur au combat qui les mène au triomphe. Je suis innocent de cette guerre qui se mène contre ma volonté, vous le savez. Il y a un temps pour la force. Bientôt viendra le temps de la raison et de la justice. Ma chère Corisande, c'est le vœu que nous partageons pour le royaume de France. La paix, que se taisent les armes, et le droit pour chacun de gouverner sa conscience comme il l'entend. La tolérance sans condition, dans un pays aux forces restaurées, conduit par un roi juste. tel que vous. Ainsi soit-il. Dieu, pour l'heure, m'a donné la victoire à Coutras. Elle est à vous, Corizon. Je suis votre chevalier. Que voulez-vous? Qui me demande? Venez, Corizande, dans l'embrasure de cette fenêtre. Ma chère, je ne peux rester plus longtemps. Pas même le temps d'un baiser. Votre doigt sur ma bouche. Voyez comme mes lèvres tremblent. Tenez bien close cette bouche que j'aime tant. Prenez garde à vous. Vos ennemis sont aux aguets. Empêchez-les de vous nuire. Je le promets. Et de revenir au plus vite. Quand? Quand? Allons boire ce vin blanc de Chalosse qu'a apporté Corizande et manger les anchois et les olives que vous aimez tant, mon frère, pour fêter la joie de vous revoir en vie. Non, chère dame, pardonnez-moi, je ne peux rester. J'ai donné ordre aux gens de ma maison de m'attendre à deux lieues d'ici. Adieu, mesdames. Pendant les guerres de religion, en l'absence des hommes, les femmes de la noblesse sont seigneurs de leurs terres. Elles les administrent. Elles ont autorité sur leurs vassaux et décident des alliances politiques. Parfois même, elles doivent défendre leur fief et mener la guerre. Si Henri offre sa victoire à Corizande, c'est que la belle catholique l'a soutenue. Elle lui a prêté une grosse somme, 20 000 livres tournois, et elle a fait lever sur ses deniers une petite armée de mercenaires gascons pour combattre aux côtés des troupes huguenotes. Corizande avait vu juste. Une nouvelle phase s'ouvre avec cette victoire de Coutras. Côté huguenot, on déplore à peine une trentaine de morts. L'armée catholique, elle, a perdu 2000 hommes en 2 heures, dont ses 2 chefs, le duc de Joyeuse et son frère. Henri a rendu les dépouilles à leur famille et fait célébrer en leur honneur une messe catholique à laquelle il a assisté. Presque 2 mois après la victoire de Coutras, il n'a toujours donné aucun ordre aux troupes protestantes. Le 10 décembre 1587, un mois après leur brève entrevue à Pau, Corizande, au château d'Agetemaux, ignore tout de ce qu'il a pu décider. Ah, oh, ces actes notariés, ces comptes qu'il faut sans cesse vérifier, ces querelles. Tout ceci ajouté aux soucis de mes enfants. Charlotte n'a que 12 ans et je ne la marierai pas avant longtemps. Mais Antoine, lui, en aura bientôt 15. Et je dois lui donner un avenir. Si je le confiais à Henri, il en ferait un prince combattant et loyal. Quand le reverrai-je ? Le vent glacé des Pyrénées, la rivière de la Dour gelée, et sur les doux coteaux de la Chalosse, la vigne sous la neige. L'hiver est aussi en mon cœur. Ma pensée cependant le soutient de toutes ses forces. La noblesse catholique de Navarre a beau me battre froid, je tiendrai contre la bêtise et la haine. Henri est le seul qui peut conquérir une paix durable pour le royaume. Que ne le comprennent-ils ? J'ai su qu'après la bataille de Coutras, Henri s'était montré chevaleresque avec l'ennemi. Il a déploré que les armes aient causé tant de morts français. Les larmes me sont venues. Français. Ce mot ne distingue pas entre catholique et protestant. Je pressens que cette victoire militaire est décisive. Henri aurait pu s'avancer et combattre le roi de France sur la Loire. Il n'en a encore rien fait. C'est bien. Jusqu'ici, le roi de France a laissé batailler la Ligue catholique, tandis qu'en sous-main, il essayait de mettre Henri de Navarre dans son jeu. Et s'il faisait alliance ? La mort du duc de Joyeuse, cette défaite des ligueurs catholiques à Coutras, rebat singulièrement les cartes. On peut savoir, Henri, ce qui te fait sceller un cheval au milieu d'après-midi alors qu'il neige à flocons ? Non, on ne peut pas le savoir. Quand reprendrons-nous l'offensive ? Depuis l'épisode des drapeaux, ça ricane fort parmi les capitaines. Henri donne ses promesses au vent et sa victoire à l'amour. Officier Antoine de Roquelaure, quand je reviens, tu es prié de te tenir prêt et de n'avoir qu'à mettre le pied à l'étrier. Quand je reviens ? Mais les soldats s'impatientent. Pourquoi n'avons-nous pas poussé notre avantage jusqu'à la Loire, où l'on pouvait porter les armes contre le roi de France lui-même ? On signale partout des mouvements de sa cavalerie. On te soupçonne de vouloir le ménager. Certains quittent nos rangs. Qu'on soit de l'un ou l'autre camp, il n'est jamais bon que le sang coule. Donc, au lieu de ça, tu galopes à Bidache en petite escorte. Le lendemain, tu rends visite au seigneur de Belsins à propos d'un complot ourdi par les catholiques. L'après-midi, nous passons incognito à Saint-Palais. Et le lendemain, toujours aussi discret, nous voilà essoufflant de monture pour surveiller les avant-postes ennemis à Mont-de-Marsan. Cette fois, où vas-tu ? Je vais voir ma sœur. Tu tu me prends pour un âne. Tout à l'heure, tu me dis, tiens, et si nous faisions une halte ici? Ici, dis-je, à Grenade-sur-Adour. Pourquoi? Parce que nous voilà à une heure de cheval du village d'Ajetmo, où est le château de la belle catholique Corisande. Tu sais comment on l'appelle? Oh, et puis j'en ai dit assez. Parle. Comment l'appelle-t-on? Mais Dieu non, je me tais, je serai un effronté. Parle ou je... La garce du roi. Merci de ta franchise. On l'accuse d'empoisonner ton esprit pour te rendre bienveillant envers les catholiques. On dit qu'elle te pousse au mal, qu'elle te tourne et remue comme elle veut, puis s'en va à la messe. Dis-leur que tu n'as rien remarqué entre les mois de contraire à l'honneur. Et ne prête pas l'oreille aux méchantes langues. Bien sûr. Et tandis que toute la troupe s'en va d'un côté, toi tu galopes vers Corisande, passes la nuit et rattrapes la troupe le lendemain. Oh, arrête de froncer le sourcil, Antoine de Roquelaure. C'est de plus en plus hasardeux. Tu es notre chef. De tous côtés, on cherche à te faire la peau. Corisande a envoyé un messager l'autre jour. Les catholiques l'ont arrêté et fouillé. Et ils n'ont rien trouvé. Le message était caché dans le fourreau de son épée. Allez, à demain. Encore tout un jour à l'attendre. Oh mon Dieu. Voir enfin paraître au loin une petite escorte serrée autour d'un cavalier à l'écharpe blanche, galopant dans la neige. Il est de plus en plus difficile de nous retrouver. Ses partisans me haïssent, et les catholiques le traquent. Il doit se cacher de tous. Allons, par ce temps les ligueurs doivent être au chaud. 7 grandes lieues à couvrir. J'arriverai à la nuit pour baiser la joue de Corisande. J'ai au cœur un violent désir de la voir. Par là, cette route est un raccourci. Si je l'épousais, Dieu, faites qu'elle m'aime. Voilà d'étranges manœuvres sur cette colline. Dormir 3 heures, manger comme 4, c'est son plus grand plaisir avec la chasse. Henri aime la vie. Et le danger. Se pourrait-il que des arquebusiers, des catholiques qui barrent la route, une embuscade? Ah, on les a bien renseignés, c'est mon chemin habituel pour Ajetmo. Ils se frottent déjà les mains de l'imminente capture du roi de Navarre. Si je continue par là, je suis pris. Ce fanatisme sanguinaire qui arme les hypocrites et les fourbes. Dieu châtie les violents. Oh Seigneur, veillez sur lui. Un jour, je le sais, Henri portera la couronne de France. Faites qu'à cet instant, ils viennent sans souci jusqu'à moi par les chemins creux au long des bois. Un petit détour par Mont-de-Marsan et ils seront bons pour se geler toute la nuit en m'attendant de l'autre côté. Ah, galoper la nuit sur les routes, l'amour au cœur. Voilà le château de Jetmo sous la neige. La fenêtre de sa chambre. Corisande. Serait-ce un aigle royal survolant la colline là-bas ? Corisande, mon âme. Croyez en ma fidélité. Il n'en fut jamais de pareil. Vous êtes là, mon cœur. J'ai cru mourir. Une embuscade qu'on m'a tendue. J'ai vu les cieux ouverts. Il semblerait que Dieu veuille encore se servir de moi. Je suis si heureuse. Il serait impossible de l'être plus. En venant, je pensais... Voudriez-vous de moi pour époux? Le mariage? Je m'y suis soumise. Disons que... Je n'en ai plus le goût. Vous souvenez-vous du nom que l'on donne à l'amour dans le roman d'Amadis? L'esprit de vertige. Je l'ai lu et relu. L'esprit de vertige. Je n'en veux plus connaître d'autre. Aimez-moi et me le faites paraître. Vos cheveux ont blanchi. C'est l'appréhension des maux que je ressens pour mon pays. J'ai à vous donner une infinité de tendresse, comme dit le chevalier Amadis. Heureuse celle par qui vous recevrez cette nuit tout le plaisir. Où allez-vous, ma Corisande? L'aube touche à peine les vitraux de la fenêtre. On a frappé. Pardonnez-moi, madame. Qu'y a-t-il? Parle, Pierre. Des troupes armées entourent le château. Quoi? Toutes les routes? Regardez-vous-même, à cette fenêtre, là-bas. Cette fenêtre donne à l'ouest, n'est-ce pas? Oui. Il semble qu'ils aient été prévenus, que vous étiez ici. Je vais commander qu'on relève le pont-levis et faire tenir le siège par mes sentinelles en attendant que votre armée les prenne à rebours. Non. Donnez-moi du papier, je vais écrire à Antoine. Monsieur de Roquelaure, ils m'ont entouré comme la bête et croient qu'on me prend au filet. Moi, je veux leur passer au travers ou dessus le ventre. Grande année, aujourd'hui ne va pas t'amuser dans la paille avec ton cotillon. Je t'attends sur le pré. Écrit à Agetmo, ce matin, 11 décembre 1587, à 10h. Tiens, porte ça, Antoine. Bien, monseigneur. À peine bouclez-vous votre ceinturon que déjà l'orgueil du courage est dans vos yeux. C'est ainsi que la peur change de camp. Quand vous serez roi de France... Adieu, mon cœur. Je vous baise 1 million de fois les mains. Il faut partir. Oui, il faut partir. Corisande, vous valez pour moi plus que personne au monde. Prenez garde à vous. N'oubliez rien de tout ce qui peut servir à vous protéger. Et si vous êtes forcé de courir une malheureuse fortune, faites voir à vos ennemis un visage assuré et constant au milieu des désastres. Il faut partir. Aimez-moi plus que vous-même. Comme le dit notre cher ami Montaigne, la valeur d'un homme est en son cœur et en sa volonté. C'est là son honneur. Partez maintenant. Si Corisande, la catholique, veut voir Henri de Navarre sur le trône de France, c'est qu'elle s'accorde avec lui sur un projet politique, un royaume qui ne serait ni catholique ni protestant. Pour que cesse la guerre civile, tous les sujets du royaume, sans distinction religieuse, doivent être égaux devant la loi. C'est une idée très moderne, l'idée qu'un État souverain est au-dessus des partis pris religieux. Cette conception donnera ses bases à la laïcité dans notre pays. Mais, un an après la bataille de Coutras, en 1588, Henri de Navarre est encore loin de régner. Montaigne a échoué dans sa tentative de négocier la paix. La Ligue catholique a pris l'ascendant sur le roi de France. Elle s'est donnée un nouveau chef, le duc de Guise. Sous son impulsion, la Ligue catholique gagne en puissance dans tout le royaume. Corisande continue de porter l'ambition politique d'Henri de Navarre, bien que son objectif de le voir accéder à la couronne semble compromis. Pour le rapprocher des catholiques, et donc du trône de France, elle cherche à le convaincre de se convertir au catholicisme. Il refuse. Il s'est replié en Gascogne et défend tant bien que mal les places fortes assiégées de la région. Presque chaque jour, il écrit à Corisande qui ne cesse de l'encourager. Le 8 mars 1588. Ah, les violentes épreuves par où l'on sonde ma cervelle. Je serai bientôt ou fou ou habile homme. Plaignez-moi, mon âme, mais ne vous tourmentez pas. C'est ce que j'appréhende le plus. Agetmo, le 10. Il y a une bonne quantité de catholiques qui est autant à votre dévotion que ceux même de votre parti. Si Dieu vous donne la grâce de vivre, vous en verrez l'issue telle que vous la désirez. Le 17 mars 1588. Pour les prêcheurs catholiques, il n'y en a qu'un à abattre, moi. Et ils admonestent tous les bons catholiques de prendre part à une si chrétienne entreprise. Et vous êtes de cette religion. Je te baise, ma chère maîtresse, 1 million de fois les mains. Agetmo le 3 avril. Tenez-moi la promesse que vous m'avez faite de vous fier à peu de personnes. Et parlez moins que vous n'avez fait. Vos affaires ne s'emporteront que mieux. Je retiendrai votre précepte de me taire. Mon tout, aimez-moi. Votre bonne grâce est l'appui de mon esprit dans l'affliction. Ne me refusez pas votre soutien. Bonsoir, mon âme. Je te baise les pieds 1 million de fois. On ne reste pas là à vieillir dans les marais du Poitou quand on est héritier du trône de France. Qu'il attaque. Seigneur, je suis injuste. Il semble qu'on le presse de tous côtés à le rendre fou. Il attend son heure pour agir, voilà tout. Je le voudrais plus volontaire, moins occupé à courir le guilledou aussi. Il me demande de le plaindre, je le soutiens, et je prie. Mais à l'heure qu'il est, c'est la Ligue catholique qui écrase tout sur son passage et manœuvre le roi. Qu'il vienne s'il veut que je le réconforte. Il n'est rien de plus beau que l'été en mon domaine d'Agetmo. Le raisin mauve sur la vigne à flanc de coteau, dans les prairies, les iris et les rhododendrons, et le gave dont le seul bruit rafraîchit. Quand reverrai-je Henri défaillir dans mes bras? Et, dans l'été de Navarre, l'aigle royal tournoie à l'affût. Dans le courant de l'année 1588, le duc de Guise, nouveau chef de la Ligue catholique, est devenu si puissant que le roi de France a dû fuir Paris. il craignait pour sa vie. Afin de reprendre la main, il a convoqué à l'automne les états généraux. Mais les ligueurs ont rallié la majorité. Coup de théâtre, le roi de France fait assassiner le duc de Guise. La joie éclate dans le camp protestant. Tout se précipite. Au printemps suivant, le roi de France demande à rencontrer Henri de Navarre. Ne craignant ni poison ni poignard, Henri répond à son appel. Au château de Plessis-les-Tours, Corisande est parmi les courtisans qui se pressent dans le parc. Avec émotion, elle voit Henri de Navarre descendre les marches du jardin et la foule se fendre lentement. Les deux hommes se sont avancés. Ils se font la guerre depuis 13 ans. Henri s'est jeté aux pieds du roi de France, qu'il a relevé et embrassé. Ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre. Passé l'émotion, il décide de faire alliance contre la Ligue catholique. Henri de Navarre va alors commencer la reconquête de la France et reprendre une à une les villes tenues par la Ligue. Corisande est retournée dans son château d'Agetmaux et les lettres d'Henri reprennent, de victoire en victoire, de plus en plus enthousiaste. Enfin, il accède à la brillante destinée qu'elle avait rêvée pour lui. Mais son triomphe lui est amer. Madame, une lettre d'Henri de Navarre. Il m'écrit pour me dire que Saint-Mexant, Pontoise ou l'Isle-Adam se sont rendus. Mais il ne parle ni des jupons, ni des cheveux défaits qui se rendent à lui pareillement. Mon âme, il y a 6 mois, l'on me condamnait hérétique et indigne de succéder à la couronne. J'en suis à présent le principal pilier. Voyez les œuvres de Dieu envers ceux qui se sont toujours fiés à lui. Ce sera aux dépens de mes ennemis. Tant mieux pour lui. Je n'aime ni n'honore rien au monde comme vous. Il n'y a rien qui y paraisse. Et vous garderez fidélité jusqu'au tombeau. Infidélité. Nous verrons bientôt les clochers de Notre-Dame. Mon cœur, aimez-moi toujours comme vôtre, car je vous aime comme mienne. Vous n'êtes pas à moi ni moi à vous. La femme est blessée, mais la fidèle alliée politique ne peut que se réjouir de ses succès. Corisande allait d'ailleurs bientôt lui donner à nouveau la preuve de sa loyauté. Dans la chaleur du mois d'août 1589, le roi de France est poignardé par un ligueur. Avant de mourir, il est désigné Henri de Navarre comme son successeur. Corisande voit enfin réaliser son vœu le plus cher. Henri de Navarre est proclamé Henri IV, roi de France et de Navarre. Mais Paris est aux mains de la Ligue catholique et la chambre du roi de France au Louvre reste vide. Il faudra 4 ans encore à Henri IV pour y entrer. Il devra d'abord se convertir au catholicisme. Son entourage proche, dont Corisande fait partie, est arrivé à le convaincre. En 1593, c'est le sceau périlleux, comme il l'appelle. Il abjure le protestantisme. Corisande est parmi la foule de la noblesse catholique qui se presse en la basilique de Saint-Denis. Ce jour-là, Catherine et Corisande étaient aux côtés du roi, puis l'ont accompagné en son domaine royal de Mantes. Malgré la conversion, les négociations avec les ligueurs, qui tiennent toujours Paris, s'éternisent. Henri IV a besoin de Corisande. Des membres de sa famille sont influents au sein de la Ligue catholique. Ils pourraient faciliter son entrée dans Paris. Vous êtes toujours la meilleure cavalière du royaume, Corisande. Est-ce pour voir les forêts du pays mantois si belles au printemps, Henri, que vous m'accompagnez? Ou le roi de France a-t-il plutôt quelques soucis diplomatiques? Je suis un roi sans couronne, un général sans argent, un mari sans femme. Mais je ne suis pas homme à désespérer. Je n'imagine pas que vous pourriez m'en vouloir. On dit que vous êtes follement épris de Gabriel. Toujours garder de la souplesse pour trouver un compromis avec l'ennemi, Corisande. Vous n'êtes et ne serez jamais mon ennemi. Nous avions jadis en Béarn rêvé de vous voir accéder au trône de France. Il ne vous reste qu'à prendre Paris. Et je sais que vous serez un grand roi, que vous assurerez la paix et la liberté de religion pour chacun, sans offense ni brutalité. Vous ferez de notre pays un modèle de tolérance pour l'Europe tout entière. Vous ouvrirez l'avenir. Nous en avons si souvent parlé à Agetmaux. Vous disiez, quand vous serez roi de France? Dieu a réalisé nos voeux, Corisande. Mais qu'est-ce qu'un roi de France quand sa capitale, Paris, lui est fermée? À qui dois-je parler? Au frère de votre défunt mari, Théophile de Gramont. Il est un des chefs de la Ligue. Iriez-vous à Paris savoir ce qu'il conviendrait de leur proposer? Je vous ferai un sauf-conduit pour vous et toute votre suite. C'est un voyage dangereux, je comprendrai. Quel silence. Corisande. L'émotion de voir combien vous me faites encore confiance. Vaincre ou mourir, c'est votre devise, n'est-ce pas? J'irai à Paris. Bon, Qui sera le premier au château? Au galop! Yeah! Une foule de misérables encombre les rues de Paris ce soir-là, quand une femme masquée passe le poste de contrôle à la porte Saint-Honoré. C'est Corisande. Elle a réussi à atteindre la capitale et accomplira sa mission. 6 mois plus tard, à l'aube du 22 mars 1594, les troupes d'Henri IV entrent dans Paris. À 7 heures du soir, Henri IV est à Notre-Dame pour écouter le Tédéum. 4 ans après, Corisande le verra avec satisfaction promulguer l'édit de Nantes. Tout le peuple de France, catholique et protestant, bénéficiera de l'égalité des droits devant la justice. La liberté de conscience est accordée aux protestants qui auront dès lors accès à toutes les charges publiques. Le pouvoir royal est devenu l'arbitre des forces en présence. Les catholiques sont majoritaires dans le pays et en reconnaissant les protestants, l'édit de Nantes instaure pour la première fois un droit pour les minorités. Unique dans l'Europe du XVIe siècle, cet édit royal garantit la coexistence des religions dans leurs différences mêmes. C'est un acte de souveraineté d'une importance majeure. Il constitue le principe de la doctrine politique en France, l'état de droit. Ce faisant, il fonde notre modernité. Ainsi s'achève, 7 ans après la bataille de Coutras, 36 années d'une guerre fratricide. C'était notre vœu le plus cher quand nous marchions dans les jardins du vieux château des rois de Navarre, à Pau. À présent, Henri est roi de France et il a oublié celle qui fut son alliée de la première heure. Mon chevalier, mon Amadis. Dans le roman, Corisande est le nom d'une dame éprise de son chevalier à la folie, tellement que pour l'empêcher d'aller mener bataille au loin, elle le retient captif dans une île paradisiaque. Mais on n'enferme pas un chevalier, fût-ce dans une chambre d'amour au milieu des vignes du Béarn. J'ai toujours su que sa gloire me séparerait de lui. Cependant, plus que tout au monde, j'ai voulu sa victoire. Cher Henri, j'ai compris qu'il était promis aux plus hautes destinées. Un soir où, dans la mélancolie du jour qui tombait sur Ajetmo, il m'a dit « Je suis de la religion de ceux qui suivent tout droit leur conscience. Les braves et les bons. » La belle Corisande, un texte de Christine Spianti avec Pauline Moulaine, Corisande d'Andouin, Clément Morinière, Henri de Navarre, Rebecca Stella, Catherine de Navarre, Antoine Sastre, Pierre de Lycéras, Damien Gouy, Antoine de Roquelaure. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Jean-Richard Dufour et Ariane Herbet, assistant à la réalisation Félix Levacher, réalisation Cédric Ossir. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur la belle Corisande et les femmes de la Renaissance avec mon invité Eliane Viennot. Marche-t-il à l'envers, ou est-ce moi qui compte un repos? De quoi se fait ces fous? Des girouettes en trombone, leurs lèvres se dédoublent sous le papier carbone. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur le front m'effraie. Les écrans, fermer les yeux, écouter les enfants jouer. J'ai compté les passants pressés au feu, ignorer le téléphone. J'ai éteint les écrans, fermer les yeux, écouter les enfants jouer. J'ai compté les passants pressés au feu, écouter le vent siffler. Il lance des tirades, puis étend la fontaine. je pire et la sueur sur leur front m'effraie. J'ai éteint les écrans, fermé les yeux, écouté les enfants jouer. J'ai compté les passants passer au feu, ignoré le téléphone. J'ai éteint les écrans, fermé les yeux, écouté les enfants jouer. J'ai compté les passants passer au feu, écouté le vent Miss Sparrow, les écrans sur France Inter. Vous écoutez Auteur n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Billoux, assistée de Christiane Alain Favre. Programmation musicale du Baca, à la technique Guillaume Roux. Eliane Viennot, nous venons de quitter la belle Corisande, abandonnée par son amoureux, devenu entre-temps roi de France, une femme délaissée par son amant, mais une sacrée femme quand même. Il y avait beaucoup de femmes comme ça au XVIe siècle? Il y a beaucoup de femmes qui jouent un rôle politique très important, politique, culturel, religieux aussi. Il y a de très grandes dirigeantes religieuses. Corisande n'est pas du tout la seule. Oui, c'est une époque étonnante. Quand on y repense, quand on regarde, il y a la reine Elisabeth en Angleterre, Marie Stuart, et puis évidemment en France, Catherine de Médicis, des épouses aussi, des maîtresses de rois, des femmes qui ont un rôle politique. C'est quelque chose de particulier au XVIe siècle. Comment l'expliquer, ça? Alors, il y a beaucoup de femmes en Europe sur les trônes d'Europe. Et il y en a, alors en France, on n'a pas de reine héritière à cette époque-là, mais on a eu de très grandes régentes depuis la fin du XVe siècle, notamment la fille de Louis XI, Anne de France. Il y a eu de très longues années au pouvoir la mère de François Ier, Louise de Savoie. Donc Catherine est une femme, alors elle a une très grande longévité politique, Catherine de Médicis, puisqu'elle est restée une trentaine d'années au pouvoir, soit seule, soit avec ses fils, qui étaient tout à fait d'accord pour gouverner avec elle. Et effectivement, on a en Navarre la mère d'Henri IV, Jeanne d'Albret, vous l'avez dit, Élisabeth. Enfin, c'est vraiment un temps où il y a encore de très grandes dirigeantes. Et comment l'expliquer? Comment expliquer aussi que ça va s'arrêter? Alors, il y a toujours eu en Europe des femmes au pouvoir, soit qu'elles héritent du trône parce que leur père n'a pas eu de fils. C'est le cas d'Élisabeth, qui avant, Élisabeth Ière d'Angleterre, avant, il y a sa sœur aînée, Marie Tudor. Voilà, soit les femmes sont des gouvernantes traditionnelles, on va dire, soit elles sont des régentes, notamment les femmes que j'ai citées, dans des moments de minorité royale, pour Anne de France, pour Charles VIII, soit des femmes qui sont nommées par le roi comme régente pendant qu'ils s'en vont. Par exemple, François Ier nomme sa mère deux fois régente de France parce qu'elle gouverne avec lui. Mais enfin, elle a officiellement le titre de régente pendant les moments où il va à Marignan ou pendant qu'il est prisonnier en Espagne. Et puis Catherine de Médicis elle-même s'est vue confier la régence par les États généraux. Ces femmes gouvernent de manière tout à fait légitime. En revenant à Corisande et à Henri de Navarre, donc Corisande qui refuse le mariage parce qu'elle aime l'esprit de vertige, comme elle dit, c'est ce qu'on a entendu dans cette histoire. Comment se fait-il que cette femme soit si indépendante? C'est parce qu'elle est veuve, parce qu'elle est riche? Alors les veuves sont, sous l'Ancien Régime, le statut de veuve, c'est le seul souhaitable pour une femme, qui sinon passe de la tutelle paternelle à la tutelle maritale, même si elles sont dans des familles très riches, même si elles ont des biens elles-mêmes, elles demeurent sous la tutelle maritale quand elles sont mariées. Donc elles sont vraiment indépendantes quand elles sont veuves, surtout quand elles sont veuves pas trop jeunes, on va dire, parce qu'une veuve de 18 ans se voit remise sur le marché matrimonial par sa famille, mais quand elles sont veuves 25, 30 ans et qu'elles ont des enfants, alors elles sont absolument des maîtresses-femmes. Elles sont la tutelle de leurs enfants, elles gèrent leurs biens et en général, elles ne veulent pas se remarier. Et il y en a qui vont à la guerre, même pendant ces guerres de religion. Il y a des femmes qui vont sur le champ de bataille. Il y a des femmes qui combattent, mais ça, c'est un trait général de l'ancienne France et on va retrouver ça jusqu'à après la Révolution. Les femmes sont fréquemment armées et en tout cas, elles savent se servir d'armes, certaines. Et quand il y a nécessité, quand il y a des attaques, quand les villes sont prises, quand il y a des ennemis, quand il y a des conflits, ça arrive assez fréquemment que les femmes mettent la main à la pâte. Alors, l'histoire de Corisande et Dorine Navarre est intéressante parce que c'est une belle histoire d'amour, romanesque, sensuelle, nourrie à la littérature de la chevalerie, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue politique, hein, cette collaboration. Il est protestant, elle est catholique, et ils vont inventer un système politique. Bon, il y aura certainement d'autres personnes qui vont jouer un rôle important dans cette élaboration d'un système politique original qui va amener l'édit de Nantes. C'est quand même très original dans l'Europe de cette époque, du XVIe siècle, l'idée qu'il y a un État au-dessus des religions. Oui, c'est une idée très intéressante. Ils ne sont pas du tout les seuls à penser cela. En fait, dans la classe politique française, on pense à cela depuis le début des guerres de religion, depuis 60. Et la première, certainement, à avoir eu l'idée d'une séparation, on ne parle pas du tout à l'époque de séparation de l'Église et de l'État. Bien sûr, ce ne sont pas les termes de l'époque, mais l'idée que les questions religieuses devraient être du registre de la conscience et ne pas interférer dans les questions politique, c'est d'abord l'idée de Catherine de Médicis. C'est l'idée de Catherine de Médicis en 60. De 1560. 1560, ouais. C'est l'idée de l'homme qu'elle appelle au pouvoir le chancelier Michel de l'Hôpital. Et à cette époque-là, Henri est encore très jeune, mais disons qu'il grandit dans cette idée-là d'une possible coexistence entre les deux religions, et politiquement c'est lui qui va porter ce projet, parce qu'il devient roi de France, c'est lui qui va porter ce projet sur les fonts baptismaux, c'est lui qui va signer l'édit de Nantes. Mais 1598. Voilà, 1598. Alors, c'est signé à Nantes parce que la Bretagne n'a pas laissé les armes en 93, quand il s'est converti. Quand il se convertit, les Français en pouvaient plus des guerres. Donc, en quelques semaines, tout le monde a rendu les armes, sauf la Bretagne. Et donc, pendant 4 ans, la Bretagne, qui était l'alliée de l'Espagne à ce moment-là, a tenu bon. Et dans le camp catholique. Dans le camp catholique. Et donc, il a fallu attendre encore 4 ans pour réduire les armées bretonnes. Et donc, l'édit de Nantes a été signé là. Mais c'est une idée ancienne, même si c'est une idée nouvelle au sens de l'histoire des idées. Mais elle a déjà une trentaine d'années. L'édit de Nantes qui sera donc malmené par la mort, l'assassinat d'Henri IV et plus tard par la révocation de l'édit de Nantes. Oui, surtout, qui sera promulguée par la révocation de Louis XIV. Mais en fait, ça s'explique parce que après toute cette période si longue de guerre de religion et puis de conflits religieux et de progression de la réforme, le pouvoir catholique a mis en place ce qu'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique, qui fait qu'ils sont repartis à la conquête des esprits. Et donc, au milieu du XVIIe siècle, ils estiment qu'ils ont suffisamment reconquis d'espace pour pouvoir véritablement faire mordre la poussière aux protestants. Merci beaucoup, Eliane Viennot. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « La France, les femmes et le pouvoir, l'invention de la loi salique » publié chez Perrin. Également un livre qui vient de sortir, passionnant également, « Et la modernité fut masculine » ou « Comment les femmes furent exclues de la Révolution française ». Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. J'attends bien sûr vos commentaires également, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez réécouter Joseph Méric, Une vie d'homme éléphant, Azalaïs, la belle troubadour, ou encore La marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova. La semaine prochaine, changement complet de décor, nous serons avec le poète Robert Desnos, dans un rôle qu'on ignore un peu. Pendant l'occupation, horrifié par le sort fait aux Juifs lors de la rafle du Veldive, il s'engage dans la résistance à Paris. Un engagement qu'il paiera de sa vie. La prophétie de Robert Desnos, c'est dimanche prochain donc. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Noël Bréham pour son émission État d'esprit. Très bonne soirée à tous.